Bah, j'ai le plaisir d'être avec quasiment, non pas quasiment, pas quasiment, mais presque toute l'équipe de Kid Production, organisateur de concerts sur Toulouse, et on va dire la région. Ouais. Voilà, mais surtout l'objectif, Toulouse. Pour le moment, ouais. Ouais. L'objectif, c'est de s'exporter un petit peu dans un Toulousie large, quoi. Ok. Bah, je vais commencer par une question toute bête. Qui êtes-vous, vous personnellement, et quels sont vos goûts musicaux, chacun indépendamment? Ça va être long. Alors, je commence ou je... Vas-y, okay. Vas-y. Du coup, moi, c'est Apolline. Du coup, je suis la secrétaire. Je sais même plus les statuts. Je crois qu'elle est vice-secrétaire ou secrétaire. En gros, je gère plus ou moins tous les réseaux sociaux. Genre, si vous envoyez un message sur Instagram, ce sera moi. Si vous envoyez un mail, ce sera moi. Voilà. Et je suis dans l'asso depuis le début. Et voilà. Okay. Qu'est-ce que t'aimes un peu comme musique? Qu'est-ce qui t'aime spécifiquement d'abord? Et après, bah, t'as le droit d'aimer plein de choses. Hein, oui. Mais... alors, j'écoute un peu de tout. En métal, j'écoute de tout sauf du grind et du trash. Je vais y arriver. Il est dimanche soir, je suis fatiguée. sinon, après, j'écoute aussi du rap, j'écoute aussi de la chanson française, j'écoute aussi du reggae. J'écoute vraiment de tout et je me limite pas à un seul style et j'aime bien découvrir des trucs. Donc voilà, je suis assez cool. Curieuse globalement. Ok, ouais, bah en plus, écouter de tout, ça doit aussi permettre d'ouvrir les possibilités au niveau de l'asso. Ouais, voilà, c'est intéressant. On a bien besoin de ça. Non, c'est faux. Alors moi c'est Jérôme, je suis président de l'asso, j'ai commencé seul sans asso à organiser, j'étais à un par mois, un tous les deux mois environ, tranquille quoi, et en fait Sophie m'a rejoint, une de secrétaires, et de fil en aiguille ça a grossi à un par mois, deux par mois, et du coup on a grossi l'équipe, on s'est monté en asso pour que ce soit plus sérieux. Et ça roule depuis un an, un peu plus d'un an maintenant. Ça marche très bien pour le moment. Et moi, mes goûts perso, je suis très punk hardcore, très hardcore beatdown. J'ai commencé dans le grind vers mes 15 ans. Je commençais avec le néo, j'ai découvert un CD de grind dans la voiture de mon frère. Un CD de Napalm Death, j'ai fait « Oh !» Et voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi c'est Luis, je suis le trésorier de l'asso. Ah. C'est la moula, monsieur, c'est moi. Monsieur l'argent. La moula, c'est moi, voilà. Donc moi je rejoins. Tu dis la moula, c'est moi comme. C'est moi qui la gère. voilà, moi j'ai rejoint l'asso depuis le début. Ouais, aussi. Presque au début, ouais. Ouais, quand Jérôme a eu l'idée de la monter pour que ce soit plus sérieux, donc voilà. Et moi, mes goûts musicaux, en fait, c'est très varié aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est voilà, deathcore, hardcore beatdown, comme Jérôme aussi. J'écoute pas mal de la trap maintenant aussi. Okay. Et quand j'ai commencé à écouter du son, voilà, j'ai commencé à écouter les Guns. Comme beaucoup de métalleux, je pense. Mais voilà, j'ai vite viré sur autre chose qui me plaisait plus musicalement. Voilà. Ok. Donc finalement, vous venez un peu tous dans l'assaut d'horizons différents musicalement parlant. Clairement, oui. Voilà. Et justement, en 2024, ça vous a permis de vous réunir tous ensemble. C'est ça, c'est notre première réunion. Ouais, et savoir ce qu'on se connaissait déjà tous. On s'était tous rencontrés à la Cavaroc, pour ceux qui étaient sur Toulouse à l'époque. Petit clin d'œil. Ouais. et du coup, enfin, on est plus ou moins devenus potes à la Cavaroc. On est un peu tous des habitués du bar. Ça. Et du coup, on se connaissait déjà en amont. Quoi. On se connaissait au moins de vue et au moins copains de bière. Quoi. Ouais. Voilà. Bah du coup tu l'as déjà un peu dit, un peu teasé, mais tout ça pour organiser des concerts. C'est ça. Du coup, forcément quand on crée une association, on est obligé d'avoir un objectif, en tout cas une thématique. Donc vous comment, enfin en fait pourquoi vous êtes dit que vous vouliez monter une asso pour justement produire cette musique, faire vivre encore et encore du métal, du hardcore. Ben, moi, de base, l'idée, c'est que sur les réseaux, même partout, j'entendais dire « Ouais, il n'y a pas de concert, on s'ennuie, machin et tout. » Les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de concerts ou pas assez de salles ou pas de trucs. Mais en fait, moi, de mon point de vue, je disais « Mais les gens se plaignent. » Mais quand on organise des concerts, ils viennent pas forcément. Oui. Ou alors, ils font pas l'effort, eux, d'organiser. Donc, c'est facile de se plaindre. Mais si personne se bouge, en fait, personne... Il n'y aurait rien, quoi. Donc, il faut une base. Moi, ça m'a toujours plu, ce côté d'organiser des concerts. Parce que c'est des rencontres avec le public. Voir le public qui a le smile, c'est trop bien. Rencontrer des artistes belges, Paris, même des Toulousains, c'est trop, trop cool. D'être acteur est trop intéressant aussi, de voir aussi l'envers du décor. Et ça, c'est trop cool aussi. Pardon, je m'attendais pas à ce que tu t'arrêtes aussi vite. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc du coup, on le disait tout à l'heure, vous avez produit pas mal de dates déjà cette année. Ouais. Le chiffre, c'était combien? C'est 19 en 2025. Oui. Ouais, 2025. C'est ça. Donc 19 dates, c'est déjà beaucoup, c'est énorme pour une jeune asso. Donc comment vous vous structurez, comment vous organisez pour décider? Quel groupe vous prenez? Quand est-ce que vous les faites jouer? Comment vous organisez entre vous? Tout part en général des réseaux sociaux. C'est un groupe en général qui nous contacte, qui nous dit on passe par exemple tel jour à Toulouse, ou on passe dans les environs à cette date-là. Est-ce que vous auriez éventuellement une possibilité de nous faire jouer et tout? Et du coup, après, moi, en réunion, on transmet, on écoute et tout ça. Et en fonction de si on aime et avec quel groupe on pourrait les mettre, on décide si oui ou non. Et en fonction des conditions pécuniaires aussi. Oui, s'il y a un groupe qui arrive et qui nous dit on prend 1000 euros, c'est... Oui, parce que nous, on reste et grosso modo, on restera dans les endroits, dans les petits endroits, dans des petits bars, oui. Pour faire vivre cette culture-là. Toujours dans la possibilité, nous, on fera toujours prix libre. Oui. Parce que la culture doit être accessible à tous. Hormis quand on fait des collabs avec d'autres assos, ça dépend aussi des conditions de l'asso, donc on pourrait faire payer comme on l'a fait à Use Sprite quand on a organisé le truc avec Alage, Actaïs et tout. Mais on essaiera toujours de faire un prix minimal pour que les gens puissent s'éclater. Et du coup, il faut que les bars, que les groupes et que tout le monde joue le jeu plus ou moins. C'est du coup, en fonction des conditions de chacun, c'est pas forcément faisable aussi, quoi. Donc on essaye en fonction des disponibilités des groupes et des conditions de caler des dates. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à Alec Jackass. C'est énorme aussi que dès votre première année d'activité, on va dire, un groupe qui est aussi bien établi et toulousain vous fasse confiance pour organiser tout ça. Ça doit quand même faire extrêmement plaisir. J'avoue, c'est ouf. Et ça reconnaît aussi la qualité de votre travail. Petite pression aussi. C'était trop bien. Nous, on s'est régalé tout. C'est très bien passé, voire trop bien passé. Même moi, en milieu de soirée, je sais là, pourquoi ça se passe trop bien. Il va forcément arriver un truc, tu vois. En fait, les flics qui vont débarquer. Nickel. Il y avait même des gens complètement inconnus qui se baladaient dans le quartier, promener le chien, et qui s'arrêtaient sur les barrières. C'était trop, trop cool. C'est Louis Sprite qui nous a contactés directement, en disant qu'eux avaient un gros, gros plateau à faire et qu'ils avaient besoin de bénévoles. Et du coup, on s'est dit, on se cale avec eux, quoi. Non, en fait, c'est que, on avait une partie du plateau, c'était Shutdown et Wake the Dead, qu'on devait faire jouer à la Mecca. C'est ça. Et le même jour, en fait, il y avait l'autre partie du plateau qui devait jouer. Et du coup, ils nous ont dit, c'est complètement con de faire deux dates hardcore le même soir à Toulouse. Fusionne la date, quoi. C'est un peu se tirer dans les pattes, ouais. On a fait deux gros plateaux, on a cherché des salles. Soit c'était trop cher, soit c'était pas dispo. Ouais. Donc on a essayé les salles Orex, Métronome et tout. Et c'était des... mi-juillet pour mi-septembre, c'était un peu C'était chaud. Un samedi. Et du coup, Use Sprite a dit, fuck off, on le fait dans les locaux de Use Sprite. Et... Sur le parking. Très hardcore, ouais. C'était une trousse. Complètement. Ouais. Complètement, ouais. Je voulais passer, j'ai bien regretté de ne pas avoir pu venir la faire cette date-là parce que c'était. C'était cool en vrai. C'était une date qui se promettait d'être marquante pour vous et pour votre asso. Ouais. Donc, ouais. Il y a des cookies en plus. Il y avait des cookies, ouais. Ah, il y avait des cookies et des burritos incroyables. Ouais, j'ai raté les cookies. Je suis venu juste pour les cookies. Ouais. Je ne sais pas goûter. Les burritos étaient très bons. Ils sont toujours bons. justement, tu parlais aussi de toute la difficulté à Toulouse de salles, de public qui se déplace plus ou moins. Je veux aussi rajouter un peu la concurrence d'autres associations qui produisent des concerts plus ou moins gros. Je pense forcément, quand on parle Assaut Toulousaine dans le métal, on passe forcément Noiser parce qu'ils font plein de dates. Regarde aussi avec les très grosses têtes d'affiche. Mais après, je pense que ce n'est pas forcément ces assauts-là qui nous font concurrence, entre guillemets. Il n'y a pas de concurrence chez nous parce que même les autres assauts, on communique avec elles. Comme hier, on l'a fait. D'ailleurs, il y avait deux concerts le même soir. On a réussi à faire de la pub pour eux et on fait de la pub pour nous. Vu que les horaires, ils correspondaient. Donc, ça a joué le jeu. Il y avait des gens qui sont venus après Little O'Clock et des gens du Little qui se sont venus aussi. Donc, Mais bon. Et du coup, tout ça pour dire sur la globalité, ça ne doit pas être évident aujourd'hui d'arriver à avoir une place où justement vous touchez un peu à tout comme style musicaux. Ce que font plutôt les grosses assos, là où sur Toulouse, les plus petites sont plutôt spécialisées. Je pense par exemple à Bitume Rugueux, on sait qu'on va partir sur du hardcore et du punk, jamais ils vont décoller de ces styles-là. Et il n'y a aucun souci là-dessus, ils se sont créés pour ça, ils le font très bien. Mais pour vous, oui, ça doit être un défi quand même d'arriver à faire venir du monde, à pas subir justement les concurrences des uns des autres. Ça doit être un travail permanent. En vrai, pas tant que ça, je trouve. Pas tant que ça, mais je pense que c'est une relation de confiance qu'on a créée entre le public et les bars aussi, qui nous font confiance, parce que ça se passe bien tout le temps. Il y a quand même du monde. Les gens sont assez curieux. Je pense que c'est un milieu... Le milieu métal et punk est assez ouvert. Je pense pas que des coureuses, quand ils vont voir du stoner, ils font « Ah, du stoner !» tu vois. Je pense qu'ils sont assez ouverts. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais comme c'est un microcosme aussi, Toulouse, donc... Ouais. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Et en gros, ils ont forcément des potes. Tu viens boire un verre et il y a un concert prix libre. Ouais, trop bien, tu vois. C'est ça aussi qui joue et ça ramène du monde. C'est ce côté qui rajoute du monde. Et les gens sur le PAF libre jouent le jeu. On en reviendra peut-être plus tard, mais ça c'est excellent. Et ouais, non, je pense que comme c'est des petits bars, ça se retrouve tous entre potes. Ils boivent un verre comme ils feraient qu'il n'y avait pas de concert, mais au final, il y a concert. C'est un bon moyen de se retrouver autour d'une bière, en fait. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu ou l'un de vous pourra appeler les endroits où vous produisez des concerts actuellement? Alors, il y a le local mini brasserie, c'est le... Plus ou moins notre QG. Quoi. C'est notre QG, c'est là où tout a commencé. Il y a la Mecca, on a Little O'Clock, l'Engrenage et l'OTAN, du coup. Plus pour longtemps, mais. L'OTAN, il galère avec la police, comme beaucoup d'endroits. Donc on termine les concerts. Hier, on a dû terminer à 20h30. Ouais. Voilà. C'est compliqué. L'avantage, c'est qu'on peut faire double soirée au Little après. En fait, il y avait quand même du monde hier, parce que les gens, du coup, ils bougent après, quoi. Donc c'était un apéro-concert, grosso modo. C'est un concept aussi. De toute façon, il faut que les assos s'adaptent. Il n'y a pas le choix. Oui, complètement. Ça, on sait que sur Toulouse, de toute façon, tout le monde de la nuit, on va dire, au global, subit quand même fortement. Il n'y a que le Little O'Clock qui touche du bois ou l'Engrenage, parce que c'est assez excentré, mais les Little O'Clock ont une grosse cave. Ils peuvent terminer à 1h du mat sans problème de voisinage. C'est bien sonorisé aussi, donc ça aide avantage, aussi. Complètement. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des... Alors, déjà, je reviens un petit peu plus haut. Sur votre tableau de chasse, là, de cette année, de ces 18 concerts 19, oui. 19, pardon. Les chiffres, je les retiens mal. On a parlé de l'Actage-Actes, mais c'est quoi les dates dont vous êtes les plus fiers? Pas forcément par rapport au groupe, mais peut-être plus par rapport à l'énergie du truc, c'était une galère, mais vous êtes super bien sorti au final. Ça, la date d'Halloween, en vrai. Il y a des trucs. Je pense qu'on dira toujours des... Bon, je pense qu'on aura des avis différents. Moi, je retiens celle de Tipeee, perso. Ah oui, Tipeee, j'allais Tipeee, le dire. C'était incroyable. C'était un groupe belge. Non. Si. C'est belge. Tipeee sont belges, De la périphérie de Charles. Périphérie de Charleroi. Charleroi, ouais. C'est bien foutu de leur gueule à cause de ça. Et franchement, c'est un groupe sur album. J'écoutais déjà, je trouvais ça cool. Je m'attendais à un truc. pas un truc qui m'aurait plu, mais en fait j'ai pris une grosse claque quoi. C'était énorme, c'était à l'automne, donc en plus les conditions sonores c'est pas l'endroit où tu auras le meilleur son quoi. Et grosse énergie de dingue. Moi, Tipeee, ils sont que deux en fait, c'est guitare, chant et batterie. C'est une espèce de. Ouais, c'est du noise rock quoi. Ouais, non, mais trop bien, hyper. De plus en plus populaire en ce moment, il y a de plus en plus de groupes. Ouais, mais là, c'est moi j'ai pris. T'es sûr que c'était Tipeee? Ouais, Tipeee. Ils jouaient à deux, ils sont habillés. Non, mais parce que ça recommence. Ah ouais, le batteur. Jane aussi. C'est le batteur qui jouait en caleçon, tu te souviens pas? Ouais, c'est ça. Tipeee, il jouait en caleçon. Et ouais, moi je dis Tipeee. Oui, c'est vrai qu'il est sorti dehors après en caleçon. Mais oui, c'est ça. Et niveau galère, la date d'Halloween, ouais, c'était. Parce que c'est Missing No, en fait, le groupe qui annule 3 jours avant la date. Ah oui, oui, non. Là, ouais. C'était... En plus, on en a eu deux assez rapprochés. On en a eu une en septembre aussi où on devait faire jouer un groupe espagnol qui, pareil, ils ont annulé 3 jours avant la date et du coup, trouver un remplaçant, à chaque fois, c'est le bordel, quoi. Oui, forcément. Si, on a eu la dernière soirée là aussi au Little Clock quand on est arrivé, en fait la sono était cassée. Quoi. Oui. Et ouais, quand on a fait jouer. Marty Weinbach. Marty Weinbach. On arrive 17h, point salé, la sono pétée. Genre là, en fait, t'arrives 17h donc on sait pas comment faire. Et par miracle, c'est le guitariste de MC qui est électricien. Qui est arrivé avec son fer à souder. Hop. Ça marchait. Bon, franchement, s'il n'était pas là, je pense qu'on s'est annulé. Ouais. Donc, comme quoi, on a une bonne étoile. Ouais. C'est cool. Toi, Louis, c'était quoi le concert de Zinzin qu'on a fait? C'est vrai que tu ne nous l'as pas donné encore. Oui, non, attends, je réfléchis parce qu'en fait, moi, je suis d'accord avec Jérôme. Tipeee, ouais, j'ai bien adoré. Mais, bon, ça, c'était dommage, il n'y avait pas beaucoup du monde dans les concerts où il y a genre 2-3 pélos aussi, c'est toujours compliqué. Oui. Ouais, mais c'est lui que j'ai kiffé aussi, c'était L'âme à la Mecca. Ah, L'âme à la Mecca, c'est cool. Il y avait trop de monde. Ah, et Underground Therapy aussi à la Mecca. Ouais, c'est cool. L'engrenage aussi, en vrai, elle était cool. Il y avait une énergie aussi avec le public. C'était blindé, on ne pouvait même pas aller aux toilettes. Ouais. Les gens qui voulaient commander à manger, ils ne pouvaient pas passer. Ah ouais. C'était, voilà, ça, c'était mes concerts que j'ai... préféré, ouais. Cool. Est-ce qu'on peut parler maintenant de ce qui est à venir pour l'année prochaine? Parce que vous m'avez dit en off que là, c'était un peu les grandes vacances, c'est la pause pour décembre et début janvier. Vous allez rattaquer très très fort. Ouais. Là, pour le coup, oui. Avec déjà, tu me dis, plus de 18... Non, c'était là le 18, 15 dates. Il devrait s'ajouter au fur et à mesure. Ok, donc 15 dates déjà calées. C'est bien, heureusement qu'on avait dit qu'on se calmait sur les dates. Ouais, à chaque fois on le dit, et en fait, il y a trop d'opportunités, Covid. Ouais, que vous voulez pas rater. On veut pas rater, et puis on peut le faire, alors on le fait. Ouais. De toute façon, l'avantage, c'est qu'on est 4. Non. Et que... Enfin, on est 4, même un peu plus. Et que des fois, il y en a qui sont pas là, et... Ouais. Permis aussi de souffler comme ça quoi. Ouais. On arrive à se démerder à 2 ou 3 quoi. Ouais. Okay. Et alors qu'est-ce que vous avez à nous annoncer là, de quoi vous avez envie de nous parler qui va arriver l'an prochain? Alors le 23 janvier à l'Engrenage, on a Rats Don't Sink et Soul Splitter. Okay. Soul Splitter qui moi c'est quand j'ai vu le message dans le DM, j'ai dit oui direct, j'ai même pas vu le prix, j'ai dit oui direct. C'est le groupe qui a retourné à l'Extreme Fest l'année dernière dans la cage, le groupe qui vient de Cannes, ça va être full bagarre. Hein. Mmh, voilà, ça va être la guerre. Ça va être la putain de guerre. J'ai pu en parler à quelques potes. Ils m'ont dit, waouh, truc de fou. Ouais, donc ça va être trop bien. Il faut des protège-dents ce soir. Ah, ça va être un truc de fou. Ouais. On prend des matelas, on fait un matelas pit. Voilà. Matelas pit. Ouais, non, c'est trop, trop cool. Okay, donc d'entrée, une grosse date. Donc. Très grosse date, hardcore beatdown. Après, on a quoi? En février. Il y a le 6 février à la Mecca. T'as Lundi Brûle, du coup, avec One Burning Match. C'est ça. C'est date punk français. Ok. Tout ça, ouais. Ça va être cool aussi, ouais. Donc, Lundi Brûle, ils sont connus sur Toulouse. Ouais. C'est ancien Input, du coup. Mmh. Voilà. Ah, oui. On enchaîne comme des fous le lendemain en plus au local Mini Brasserie avec Red Coyote, super groupe de stoner, et Anakolov, c'est un groupe franco-ukrainien, je crois. C'est des Ukrainiens qui sont arrivés sur Toulouse quoi. Et après, il y a quoi ? Il y a le 20 février, je crois. Oui, le 20 février. Oui, le 20 février, on a la Super Data Hardcore, la MK encore, Real Deal et Get Real. Alors, c'est marrant, en fait, Real Deal nous a contactés pour faire une date. Et du coup, je me suis dit, c'est trop marrant de faire jouer Get Real avec Real Deal. Ouais. Du coup, là, c'est la date deal. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Le 20, après, tu avais dit le 27 ? Non. Il est ton anniversaire aussi. Oui, c'est le 28, ça. Il n'y a rien d'autre entre. On est très organisé. Ah, c'est organisé. On en a trop dans la tête, là. Et puis, en plus, on a révisé dans la voiture. Après, ouais, c'est ça. Donc, le 28 février. Donc, c'est une date que j'organise pour mes 25 ans. J'avais envie de faire venir trois groupes qui n'ont jamais joué à Toulouse et de les faire découvrir. Voilà. Donc, du coup, il y aura Doloster, Causeria et Septaria qui joueront au Little O'Clock. Ça, c'est quoi ? C'est plus prog ? C'est, c'est ouais, y a hard rock et prog. Ouais. Okay. Voilà. Hard prog. après, ah oui, la drag and roll aussi. Ah oui. En mars, on organise une drag and roll au local. Donc, ça va être. Il y aura des shows drag queen et avec un concert de hard rock un peu heavy. Furia, ouais. Donc, c'est pour mélanger les deux publics. Ouais. C'est en co-organisation avec. Pandora, non ? Avec Pandora, mais je ne sais plus comment son asso s'appelle. Ouais. Qui a déjà fait deux éditions à l'engrenage qui ont cartonné. C'est ça. Ouais. Et en fait, on a décidé de faire la. Bah, s'ils vont faire une troisième. Et ça va être la 2,5 en fait. Ce sera, voilà. Ouais. Qu'on fait au local, c'est la première fois qu'on fait ce genre de truc, ce genre de show, donc on a assez hâte. Ouais. Ah bah on est un peu curieux, ouais. C'est pas un univers qu'on a l'habitude de fréquenter, donc du coup, ça permet de découvrir aussi et de mélanger les deux publics, ça peut être. Complètement, bah, c'est peut-être l'occasion aussi de trouver de nouvelles personnes exactement, pour venir chez vous voir des concerts. Tout le monde a passé un bon moment. Nous, on accepte tout le monde. De toute façon, c'est nos règles, c'est nos valeurs. Ouais. Voilà. Bah, tu fais bien de parler de valeurs, justement. C'était un de mes points. C'était quelles valeurs vous voulez prôner, vous, dans votre association, dans votre façon de concevoir la musique, justement. Tu l'as déjà un peu dit, une ouverture à tous, vu que bah, déjà, vous pratiquez des prix libres. Ouais. C'est ça. Quels sont vos grands axes, vos grands combats ? Grand combat, bah, c'est de toujours promouvoir la culture, l'accessibilité à la culture à tous en fait. Ouais. Que tu sois en fin de mois, que tu sois en galère de thunes, que tu sois étudiant, que tu sois même un peu plus fortuné. En fait, les gens jouent le jeu et dans le prix libre, les gens jouent le jeu, on l'a remarqué. Les gens qui peuvent pas trop mettre, donc ils mettent un petit peu, c'est rattrapé par des gens qui mettent un peu plus. Ouais. Donc en fait, on s'en fout, ouais. Genre, peu importe ton porte-monnaie, peu importe si t'es LGBT, si t'es. Personne racisée, enfin on accepte tout le monde et du coup vraiment on s'en fout, viens et genre, sauf si t'es con tu dégages, mais c'est tout quoi. Ouais voilà, c'est nos valeurs communes, c'est ça. Ouais. C'est voilà, c'est que les événements qu'on organise, voilà, c'est il faut que notre valeur, c'est voilà, prenez que ça soit safe pour tout le monde. Ouais. Voilà. C'est important de le rappeler, on le dit, on devrait faire des pancartes d'ailleurs, comme on le disait. Ça fait plusieurs fois qu'on se dit qu'on doit le mettre sur les mains. Et qu'on le fait pas, mais ouais, que s'il y a une galère, qui que ce soit se sent en danger, entre guillemets, qui vienne nous voir, qu'on puisse lui parler ou voir le dégager s'il faut. Que tout le monde profite de la soirée, ouais, enfin, c'est la base quoi. Ah, c'est important. Ouais. C'est même le plus important. Parce c'est que le plus important, oui. Protéger le public, que tout le monde soit content, en sécurité. Ouais. Voilà. Et protéger les bars aussi, respecter l'endroit aussi. Parce qu'en fait, eux, on pense pas assez souvent à eux, mais ils galèrent autant que nous. C'est même eux qui prennent tous les risques. À chaque fois, les fermetures administratives, les flics qui déboulent. Voilà. Oui. Et les concerts finissent de plus en plus tôt à cause de ça. Quoi. Ouais. Et que Dauphin, il faut que tout le monde soit content de la soirée. Quoi, donc. Ouais, pour nous, tant que le groupe soit content, que le bar soit content, que le public soit content, surtout, et que nous, on est heureux, c'est une bonne soirée. Ouais. Ouais, c'est du win-win-win-win. Magique, c'est ça. Bah, je passe sur... bon, là, c'est la petite question bonus. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des belles réponses. C'est quel groupe vous adoreriez faire venir pour jouer chez alors vous. Là, on a une liste. En plus, vous l'avez fait. On a fait une liste déjà de groupes potentiellement qu'on pourrait aller draguer l'année prochaine. Ouais. Ah, non, à chacun. Je sais Moi, c'est ma réponse de Vilantin. Moi, j'en ai plein aussi. Moi, ce serait Free Rolling. Free Rolling, bah, oui, Free Rolling, c'est un groupe de Paris. C'est du hardcore beatdown très rappé. C'est incroyable. C'est un mélange de trap et de punk hardcore, un mélange de 1056 et de Rise of the North Star. C'est un côté ghetto, un côté rap que j'ai vu en festival avec Louis au Spread of Rage. J'ai pris une tartine énorme. Les clips sont ouf. L'album est trop bien. Ils sont de Paris, donc je pense que c'est assez accessible. Et je les vois pas jouer dans le sud. Jamais. Et d'ailleurs, si je dis mais c'est un message à l'extrême, si cette année vous pouvez les prendre, ce serait énorme. Genre Free Rolling dans la cage, la cage la retourne. Hein. grave. Et moi, un groupe, en vrai, j'aimerais bien, bon, il y en a beaucoup, beaucoup trop, mais je dirais FT17, c'est un groupe de black metal mélodique. Et ça fait plusieurs années que je les suis, et vraiment, je kiffe trop ce qu'ils font, et j'ai jamais eu l'occasion de les voir. Et du coup, si on pouvait un jour les programmer. Ouais. Ils sont d'où? Ils sont de Nantes ou Clisson, je sais plus, mais ils sont 7. Okay, ouais. Ah, ils sont 7. Ouais, ah, voilà. C'est un âge, quoi. 7 au local, allez hop. 7 à l'OTAN, c'est dur. Hein. Ouais. Bah, déjà, ils prennent la moitié de la salle. Ouais, ouais. Je trouvais, oui, parce que voilà, comme je disais, j'ai plein de groupes que je voudrais, mais c'est la claque que j'ai prise cette année à l'Extreme Fest, Spleen, un groupe de metal moderne. C'était trop cool. De Montpellier. Ils ont joué, oui, ils ont ouvert pour HN, je crois, cette année. Ouais. Voilà, j'ai pris une énorme claque. Ils sont adorables en plus. Donc, non, bagarre assurée, quoi. Et en plus, on s'est rendu compte que c'était un pote à nous à la batterie. C'est toi. Non, mais Marvin. Moi, je connais le chanteur aussi. Donc, mais voilà. Le groupe, on ne le connaissait pas. Et en fait, on a vu que le batteur, on le connaissait. En fait, vous connaissiez la moitié de l'équipe. Mais... Ouais, donc, voilà. Donc, il y a moyen de les faire jouer aussi. Ouais. Okay. Et Clignement 182 pour le petit 182, bonus. Oui. Ça fait un an depuis la création de Dolasso qu'on s'est dit qu'on va les faire jouer. Ce groupe est une blague. C'est des reprises de Blink chantées en français, traduit au sens Google Trad. Ouais. Du coup, c'est un groupe qui est très débile. Je crois qu'ils sont de Nantes. Ça ne m'étonne pas. Et ouais, pour le délire. Et en plus, ils ne sont jamais venus à Toulouse, je pense. Non. Ils commencent à tourner partout et j'aimerais trop les faire jouer. Je vais finir par une question qui, je pense, pourrait être intéressante. C'est quelle est votre vision de la scène toulousaine au niveau groupe? Parce que justement, vous êtes hyper concerné par ça. Comment vous voyez aujourd'hui la scène toulousaine qui est quand même de plus en plus riche par rapport à ces... Enfin, en tout cas, sur les 5 dernières années, elle a fait que grossir. Ouais. Mais je pense que c'est pas spécifiquement de Toulouse en fait. J'ai l'impression que c'est partout en France. Mm-hmm. Oui. Qu'il y a des groupes qui popent un peu de partout et c'est abusé le nombre de groupes qu'il y a en France. Il y en a peut-être des milliers ou je sais pas combien il y en a, mais vraiment. Et Toulouse, du coup, forcément, on fait pas exception. Mais il y a tellement de groupes. Il y a beaucoup de stoner, mais sinon. Dans... C'est vrai qu'il y a la majorité de stoner, je pense. Ouais. Mais sinon, dans tous les styles, il y a des groupes incroyables qui méritent d'être mis en lumière et c'est dommage qu'il y ait. Qu'on puisse pas plus faire de enfin on, pas que nous hein, mais il puisse pas y avoir plus de concerts pour qu'ils soient tous mis en valeur parce que vraiment il y a des groupes tellement incroyables qui méritent d'être écoutés par plus de gens. Bon, ma vision de la scène c'est que c'est compliqué parce qu'on sait que les bars c'est compliqué, que faut pas oublier qu'il y a l'inflation, les gens ont de moins en moins de thunes, donc c'est pas facile de sortir. Parce que quand tu sors, forcément, tu vas t'acheter une pinte et c'est pas gratuit. Il y a beaucoup de groupes et en fait, Toulouse s'accroche. En fait, les assos sont là, s'accrochent. Le public vient, donc s'accroche aussi. Les bars tiennent comme ils le peuvent. Et je trouve ça magnifique, en fait, que tout s'accroche, en fait. On s'accroche comme ça, on lâche pas. Et nous, en tout cas, on lâchera pas de sitôt. On va continuer d'organiser au taquet de trucs. Mais c'est ma vision de la scène, donc c'est magnifique que ça s'accroche autant malgré les difficultés d'horaire. Et on l'a vu parce que le public s'est adapté aux horaires sur un an en fait. Maintenant, le public sait que les concerts sont terminés à 22 pour la plupart des bars. Donc les gens viennent à 20h. À l'époque, je pense il y a 3-4 ans, les gens ils venaient jamais à 20h. Enfin, ils venaient à 21h. Maintenant, les gens savent. Voilà. Bah, si tu veux voir le groupe, il faut arriver à l'heure. Quoi. Oui, ah oui, oui, là tu peux pas arriver en retard, quoi. C'est pas comme à l'époque, je me souviens les concerts à la Cava Rock où genre, le concert était marqué début à 21h, t'arrives à 22h, ça avait pas commencé. Ou comme au Pavillon Sauvage. Ouais. Ça, aussi, oui. Mais ouais, du coup aujourd'hui c'est plus possible, donc il faut être. Ouais, c'est là c'est du 20h pile. Ouais, 20h, nous, 22h, quoi. De toute façon, nous sur les affiches, quand c'est marqué 20h, c'est démarre du groupe à 20h pile, quoi. Ouais. Ouais. Ouais. Et fin à 22h pétante, quoi. Ok. C'est ça. Ma vision de la scène, mais en fait moi je suis admiratif en fait parce que malgré toutes les difficultés par rapport voilà à la mairie pour les bars, on met des bâtons dans les roues à chaque fois, c'est une scène qui se réinvente tout le temps avec beaucoup de nouveaux groupes que moi je connaissais pas avant, mais je sais qu'il y en a plein de nouveaux groupes. Stoner aussi, voilà, comme le disait Pauline. Voilà, un peu dans l'expérimental. Mais voilà, ma vision de la scène, c'est ça, c'est que j'aime bien le partage qu'on peut avoir avec les groupes aussi dans les petits bars, surtout dans les petites scènes bien underground. La proximité avec les groupes et le public, c'est ça que j'adore. Et c'est ça que je voudrais qu'on garde aussi. J'ai l'impression que la scène métal toulousaine, c'est une scène assez jeune aussi. L'impression aussi. Ouais. Oui. Parce que je crois qu'on a rarement vu des gens de plus de 40 ans, quoi. Et du coup. Vraiment, dans les groupes qu'on a fait jouer, je pense que. Ce qui m'a agréablement surpris, c'était la fête de la musique. Oh, putain, oui, c'était tellement. Et en fait, j'ai vu énormément de jeunes, très jeunes, voire des étudiants, quoi. Des ados, tu sais, de 16-17 ans. En fait, je me suis revu jeune à mes premiers lives de 16 ans et je me dis, c'est bon, il y a un truc qui... Ça se renouvelle, ça, oui. Ça se renouvelle, en fait. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu d'ado. Je ne parle pas de jeunes adultes, je parle vraiment de... Ouais, de gens qui lycéens, avaient 16, quoi. Ouais, des lycéens, 16, quoi. Des lycéens, quoi. Ouais, ce qui est très bien, parce que de façon globale, quand même, tout le monde analyse que la scène métal est vieillissante, que ce soit les artistes comme les fans, tout ça... Là où aujourd'hui le rap fait un peu l'unanimité, même à la radio, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais c'est aussi ça qui fait plaisir, qu'on arrive à avoir des jeunes sur scène dans notre ville. Ouais. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence de public entre les gros concerts, parce que les gros concerts, pour le coup, je trouve ça beaucoup plus mixte. Tandis que les concerts de la scène underground, ouais, c'est vraiment beaucoup plus jeune. Je pense qu'il y a aussi un effet que ça se passe beaucoup sur les réseaux et que du coup forcément les jeunes suivent plus ce qui se passe sur les réseaux que aussi le prix hein, oui mais je veux dire quand t'as les moyens c'est pas un concert en prime qui va te oui non rendre, mais quoi. Voilà je cherche peut-être le confort différemment aussi tu vas au bikini tu sais que tu vas avoir payer un putain de hot dog à 8 balles. Voilà, non, mais tu vas avoir un cadre qui. Tu vas avoir un vrai show lumière, un vrai show. Tu vas avoir un cadre de concert qui est autre qu'un cadre de bar. Mais les bars, c'est ultra. En fait, c'est le meilleur tremplin pour les groupes, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, si les bars n'existent plus, les groupes, les petits groupes ne peuvent pas faire leur preuve directement au Rex ou dans les salles ou au Métronome. Donc, en fait. Et puis, si tu arrives à faire tes preuves à l'OTAN, t'es tranquille, quoi. Enfin, à un moment donné. mais l'OTAN. Une des fiertés que j'ai eues dans la sauce, c'est qu'on ait fait jouer Auster, qui est un groupe de punk psychédélique, qu'on a fait jouer au local Milieu Brasserie. C'était leur premier live. Ils ont fait leur premier live au local. Et 2 mois plus tard, on a percé. Ils jouaient au Rex, quoi. Donc, j'étais trop content pour eux, quoi. Et ils méritaient vraiment. C'était trop, trop cool. C'est vrai que c'est un groupe qui se porte bien, là, ces derniers temps. Auster, ils ont fait notre premier live chez nous. J'étais trop content. Et les voir 2-3, peut-être 5-6 mois après décoller, je trouve ça trop cool. Ok. Écoutez, moi j'ai fini avec mes questions. Est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose, de vous lancer sur un sujet et vous voudriez rajouter quelque chose? C'est possible. J'ai rien en tête, mais... Non, là j'ai rien. Et toi, c'est quoi ta vision de la scène métal toulousaine? Écoute, justement, moi je trouve qu'elle est super parce que il y a des assos comme la vôtre qui se montent et qui arrivent à produire plein de choses. On arrive à avoir de plus en plus des groupes. Très gros aussi. Là, je pense là, ils viennent de nous annoncer Machine Head pour les très très gros. Ouais. C'est quand même des belles prises qui font plaisir aux gens. Et à côté de ça, on a la possibilité de voir des concerts avec des groupes tout petits qui démarrent, qui commencent à percer et qui, dans quelques années, s'il faut, seront des stars nationales. Non, vraiment, on a une belle scène. Je pense que le métal à Toulouse a un bel avenir. Ouais. Ben, faut espérer, sinon bientôt on sera tous au chômage technique nos assos. Sinon, je pense qu'on va s'ennuyer. Non, ouais, sinon, je vais créer des groupes moi-même et m'organiser moi-même. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invite, c'était très cool. Donc, on se retrouve fin janvier. Fin janvier, 23 janvier. Ouais. Pour le redémarrage de Kid. C'est ça. Pour la bagarre. Celui-là, il faut venir, ça va être la guerre complète. Ouais. Je pense que l'année prochaine, je dirais le meilleur live, c'était sous Splitter. Merci à tous. Merci. Merci.